Book 2 80 80 الصفات 3 Adjectif 3 Adjectif 3 هي لديها كلب Elle a un chien Elle a un chien الكلب كبير. Le chien est grand. Le chien est grand. هي لديها كلب كبير. Elle a un grand chien. Elle a un grand chien. هي لديها بيت. Elle a une maison. Elle a une maison. البيت صغير. La maison est petite. La maison est petite. هي لديها بيت صغير. Elle a une petite maison. Elle a une petite maison. هو يسكن في فندق. Il loge dans un hôtel. Il loge dans un hôtel. الفندق رخيص. L'hôtel est bon marché. L'hôtel est bon marché. هو يسكن في فندق رخيص. Il loge dans un hôtel bon marché. Il loge dans un hôtel bon marché. هو لديه سيارة. Il a une voiture. Il a une voiture. السيارة غالية الثمن. La voiture est chère. La voiture est chère. هو لديه سيارة غالية الثمن. Il a une voiture chère. Il a une voiture chère. هو يقرأ رواية. Il lit un roman. Il lit un roman. الرواية مملة. Le roman est ennuyeux. Le roman est ennuyeux. هو يقرأ رواية مملة. Il lit un roman ennuyeux. Il lit un roman ennuyeux. هي تشاهد فيلما. Elle regarde un film. Elle regarde un film. الفيلم مثير. Le film est captivant. Le film est captivant. هي تشاهد فيلما مثيرا. Elle regarde un film captivant. Elle regarde un film captivant. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية